n'existe pas l'argent facile, frère. Y a les poucaves, y a les courses poursuites, y a les saisies. Y a même des rêves qui tombent pour 6 ans, en gros. Des fois, y en a qui t'effrient la bœuf au ciseau. Et la vie de charbon, des fois, c'est chiant, ma gueule. Mais bon, vrai, reconnaissent vrai, moi, je suis toujours avec les mêmes. Qu'on va la déguiser, mec. Je suis toujours dans le même bang, gros.